Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Elle sort tout juste de terre, les archéologues s'y affairent, tout surpris par l'importante découverte, et pour cause. À une enjambée de Bastia, à Luciana, on savait la ville antique de Mariana chrétienne, Mariana sa basilique et son baptistère du 5e siècle, Mariana et la Canonica, fameuse cathédrale romane vouée à Santa Maria Assunta. Que vient donc faire en cette terre insulaire et chrétienne la découverte d'un sanctuaire de Mithra, culte païen et à mystère réservé aux hommes et d'origine indo-iranienne, par essence interdit par Rome? Qui donc, ici, pu vouer son âme au mithraïsme? Mithra Nostra, christianisme contre mithraïsme, la Corse aurait-elle vécu bien avant l'heure une guerre de religion goupillon contre bonnet phrygien? Pour tout savoir, je me suis immédiatement rendu à Luciana, sur le terrain, pour rencontrer les découvreurs de ce sanctuaire à mystère, Philippe Chapon et son équipe de l'INRAP, Daniel Istria, chargé de recherche au CNRS. Philippe Chapon, vous fouillez 3000 m² au cœur de la Corse, à Mariana, près de Bastia. C'est une grande fouille pour vous ? Ah oui, c'est vraiment un très beau chantier. On a une belle ouverture sur cette cité antique de Mariana. Et c'est plus que ce qui a été fouillé sur le site archéologique là, depuis les années 1960. C'est un site qui est connu depuis très longtemps. Oui, c'est un site qui est connu depuis le 19e siècle. Il y a eu des gros chantiers qui ont été faits dans les années 60. Et avec un plan de recherche archéologique qui s'est arrêté dans les années 2006. Et là, on reprend à l'occasion de ce projet de déviation de la route. Qu'est-ce que vous avez ? On voit essentiellement des murs ? Oui, on a dégagé deux quartiers de la ville antique qui se répartissent de part et d'autre d'axes de voies est-ouest et nord-sud. Donc on a des quartiers très différents. À l'ouest, on a un quartier d'habitat entièrement construit avec des murs en galets, avec très peu de mortier. Et à l'est, on a un quartier qui ressemble beaucoup plus à un quartier plus récent avec des murs très bien construits, avec du mortier. Les élévations sont soignées avec des élévations de briques et de tuiles. Et surtout, on a trouvé le quartier où on a découvert un mitréum. Là, nous sommes devant donc des habitations. Elles sont faites de galets, tout simplement. Qu'est-ce que l'on a dedans ? Vous trouvez beaucoup de choses ? En fait, c'est un habitat assez rustique. Donc, on a les habitats, les murs sont construits en galets, avec très peu de mortier. On a des sols principalement en terre battue. Et on a probablement un quartier artisanal, parce qu'on a des petits foyers, on a des rogers de lingots de verre. On a un tout petit peu de métallurgie. On trouve également des épandages de scories à proximité. Donc, c'est plutôt un quartier assez modeste d'artisans. C'est un quartier qui a été abandonné petit à petit, à partir du 4e siècle probablement. Donc on trouve assez peu de choses en place, donc les gens ont déménagé. Hein. Il n'y a pas d'objets qui ont été scellés par une destruction ou un incendie volontaire. À côté, là, vous avez une sorte de gros cercle dont seulement la moitié a été fouillée. De quoi s'agit-il ? En fait, on a une partie de sol en béton de tuileau, avec également une cuve et probablement des négatifs dans ce sol de béton, où il devait y avoir des grandes jarres qu'on appelle des dolias. Et donc c'est probablement un reste d'un pressoir à vin ou à huile d'olive, on ne sait pas trop encore. Il faudra attendre des analyses. On va se diriger vers l'autre quartier. Oui. Votre chantier n'a pas beaucoup de chance en ce moment. Vous êtes complètement ennoyé. On est en bordure du fleuve Golo, qui a un régime torrentiel. Donc là, depuis 4 mois de chantier, on a une crue par mois. Et donc le chantier est envahi et le problème c'est qu'il y a un petit limon qui se dépose à chaque fois et on est obligé de renettoyer après chaque crue. D'où le pompage que l'on entend un peu plus loin. Voilà, non seulement quand le fleuve se retire on voit les vestiges mais il y a toujours la nappe phréatique qui reste et on est obligé de pomper pour évacuer l'eau en excédent. Donc on va éviter de glisser. Ici vous dites que le quartier serait plus résidentiel. Pourquoi ? C'est plutôt un quartier de culte, puisqu'on a trouvé les vestiges du mitrium, et avec ses dépendances. Et par-dessus, on a plusieurs états qui se sont succédés, après l'abandon du mitrium. Et on se rapproche de la basilique et du baptistère. Donc c'est un quartier qui a été plutôt occupé assez tardivement par rapport au quartier précédent qu'on a vu. Donc un sanctuaire au culte de Mithra, on va essayer de s'en rapprocher. Ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour la Corse. Oui, c'est le premier exemple de culte de Mithra qu'on découvre sur l'île. Et en France, on en trouve à peu près une quinzaine qu'on a découvert depuis le 19e siècle. Alors ça se présente comment ? Moi, ce que je vois, c'est une sorte de pièce longiligne avec une sorte de rigole au milieu. Oui, c'est ça. On a un bâtiment de forme à peu près trapézoïdale avec une sorte de nef centrale qui est surcreusée dans le sol. Et de chaque côté, on a une banquette qui fait à peu près 1,90 m de large, surélevée, sur laquelle se déroulaient des repas rituels. Et au fond de laquelle on a trouvé des statues, des fragments de stèles de Mithra qui ont été détruites au moment de l'abandon. C'est-à-dire que là, de chaque côté de cette grosse rigole dans laquelle d'ailleurs coule de l'eau aujourd'hui, les gens s'installaient sur ces banquettes ? Oui, c'était une sorte de lit sur lesquels ils mangeaient allongés. Et c'était des repas rituels qui faisaient partie du culte de Mithra. Vous avez aussi des sortes de petites niches sur les côtés. De quoi s'agit-il ? Dans l'épaisseur des banquettes, on a des petites niches voûtées qui ont été aménagées. Et dans l'une d'entre elles, on a retrouvé une série de lampes à huile qui avaient été déposées là intentionnellement et qui avaient été préservées. Et alors tout au fond, vous avez une sorte de... On va dire, c'est pas un podium, mais une sorte de mur un peu surélevé ? En fait, c'est l'extrémité de cette espèce de nef sur lequel on a un petit ressaut au pied du mur, sur lequel probablement devait se trouver le bas-relief de Mithra ou le statue de Mithra, qu'on a retrouvé en fragments. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez retrouvé ce bas-relief. Comment est-il exactement ? En fait, il est en trois morceaux. C'est des bas-reliefs qui sont très stéréotypés, qui montrent Mithra en train de dégorger le taureau. On a retrouvé la base inférieure, coupée en trois morceaux, qui ont été en partie brûlés, et qu'on a retrouvé dans les niveaux de démolition. Qu'est-ce qui est représenté dessus ? Et en fait, c'est Mithra qui égorge le taureau, duquel coule le sang et le blé régénérateur. Alors, on ne voit pas Mithra pour l'instant. Hein. Ce que l'on voit, c'est une sorte de chien, une sorte de début de personnage, et puis de l'autre côté, une sorte de gros animal, c'est ça ? On a la partie inférieure, donc c'est le taureau qui est égorgé. On a la partie basse de Mithra. On a son poignard qui égorge le taureau. Et on a le chien qui vient lécher les plaies du taureau. On a également un serpent qui court au pied du taureau. Et également un scorpion qui vient mordre Mithra. C'est quoi ce culte de Mithra ? C'est un culte oriental ? Oui, c'est un culte très ancien qui viendrait de Mésopotamie. Et donc qui s'est répandu dans l'Empire romain, probablement avec les légions. Donc c'est un culte qui était très répandu parmi les légionnaires. Et ici justement, Mariana, donc c'est une cité qui a été construite par le général Marius pour les vétérans de ses légions, vers 100 avant Jésus-Christ. Donc ça explique peut-être le culte de Mithra ici. Au début, quand vous avez fouillé cette pièce, j'imagine que vous avez été surpris par la découverte de sortes de banquettes sur les côtés avec des petites niches. Vous avez émis d'autres hypothèses ? Au tout début, on se demandait justement quelle était cette pièce, avec une sorte de nef surcreusée au milieu. Et c'est seulement quand on a trouvé les débris du bas-relief de Mithra qu'on a pu réaliser, en comparant avec les plans de Métrium déjà existants, à quoi on avait affaire. Qu'est-ce que vous avez comme autre mobilier qui pourrait être lié au culte ? Dans les environs du Métrium, on a beaucoup d'épandages de petites lampes à huile, fragments de lampes à huile, beaucoup de petits pots en pâte claire, en céramique commune. Et également, on a trouvé deux clochettes en bronze, donc qui pouvaient appartenir au culte. Mais comme c'est un culte assez secret, hein, qui repose sur le mystère, on a assez peu de détails sur le déroulement du culte, en fait. Et hormis cette pièce, est-ce que le sanctuaire est plus vaste, hein ? En fait, on a la pièce réellement où se déroulaient les repas rituels. Et bon, il y avait également des sacrifices de taureaux qui étaient faits pendant ce culte, qui devaient probablement se faire à l'extérieur, dans une cour qui précède le bâtiment. Et on a des pièces annexes au nord, donc dans la suite de la nef, qui devait également participer au culte. Aujourd'hui, vous n'avez pas tout fouillé, donc vous avez peut-être encore une chance de trouver des bouts de bas-relief. Oui, exactement. Là, on est en train de fouiller une partie des niveaux de destruction, donc on peut encore retrouver des fragments. C'était un culte secret. Vous pensez que ce bâtiment était un peu caché ? Non, je crois que c'était un culte qui était assez libre à l'époque, jusqu'à la fin du 4e siècle, auquel... Le culte a été interdit par l'emporter aux doses, par un édit, à partir de 392, et qui a pu donner lieu par la suite à des persécutions des adeptes de Mithra. Que s'est-il passé sur votre terrain, dans cette pièce donc, où avaient lieu les sacrifices ? Bah ici, en fait, le bâtiment a été comblé de gros niveaux de dépotoir, avec beaucoup de fragments d'amphore et de céramique. En plus, ensuite, la pièce a été récupérée pour d'autres usages qu'on n'a pas déterminés pour l'instant. Et probablement que par la suite, immédiatement après, au début du 5e siècle, on a la création de la basilique de Mariana et avec le baptistère, donc qui pourrait correspondre à la suite du culte. Philippe Chapon, comment pourrait-on s'imaginer ce sanctuaire dans son état originel ? Quelque chose d'assez vaste, avec une sorte d'énorme voûte étoilée, par exemple ? Bon, d'habitude, c'est un culte qui... C'est vrai que les lieux de culte conservés se passent soit dans des grottes, soit des porches voûtées. Bon, ici, on n'a pas l'occasion, vu que les murs sont assez fins, ils ne devaient pas supporter de grottes. C'est simplement peut-être une pièce obscure, fermée, sans fenêtre. Et là, en fait, on a toute une série de bâtiments, au moins deux pièces de suite, qui devaient correspondre au maitrium lui-même et ses dépendances, avec une vaste cour devant, qui devait servir d'accès, et probablement à des sacrifices de taureaux. Votre sculpture, elle est bien sûr brisée, mais elle ressemble en tout point à une autre sculpture qui est dans un des plus grands musées français. Oui, c'est ça, en fait, la représentation de Mitra égorgeant le taureau est assez stéréotypée, mais on trouve plusieurs types. Et celui qui ressemble le plus, bon, c'est un exemplaire qui est retenu au musée du Louvre, exposé au Louvre-Lens, je crois, en ce moment. Que se passe-t-il ensuite ? Ben, ensuite, la vie continue. Le sanctuaire de Mitra comblé et réutilisé à d'autres usages. Et le quartier continue à évoluer par-dessus, à plusieurs étages, jusqu'à peut-être l'abandon vers le 6e siècle. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Daniel Istria, que sait-on de l'agglomération de Mariana à l'époque romaine ? Alors Mariana est une colonie romaine qui est fondée aux alentours de 90 avant Jésus-Christ, semble-t-il, par Marius pour y loger des vétérans de sa légion. Donc c'est une agglomération qui va se développer surtout au début de notre ère, 1er, 2e siècle, et qui va atteindre une superficie d'environ 10 hectares, ce qui en fait une petite agglomération. On connaît la période la plus ancienne, ces années moins 90 ? Alors le début du 1er siècle avant Jésus-Christ sont encore très très mal connus. Les fouilles des années 60 et du début des années 2000 ont mis en évidence quelques vestiges, quelques niveaux de sol qui pourraient éventuellement dater de ces premiers siècles de la ville, mais on en connaît encore très très peu aujourd'hui sur ses origines. Et c'est une ville qui a été fouillée ? C'est une ville qui a été en partie fouillée depuis 1936 déjà. Louis Lesky, Albert Chauvel s'intéressent à Mariana. Ils font plusieurs sondages qui donnent déjà des informations assez intéressantes sur l'étendue de la ville et sur les éléments qui la composent. Malheureusement, la guerre fait que ces premières investigations ont cessé et ce n'est ensuite qu'à partir de 1957 que les fouilles reprennent. Daniel Istria, les 3000 mètres carrés de fouilles aujourd'hui sont donc importantes ? Cette fouille préventive, au bout du compte, double la superficie fouillée de la ville. Nous avons en gros ces 6000 m² ouverts aujourd'hui, auxquels il faut ajouter des prospections radar qui ont été réalisées dans les années 2005-2007 et qui ont donné des résultats particulièrement significatifs, particulièrement intéressants, puisqu'ils nous permettent d'avoir un plan très précis d'une partie de la ville, notamment de la partie centrale de la ville. Donc 3000 m² de fouilles préventives, c'est un apport considérable pour notre connaissance. Donc désormais, on sait où est le Cardo, le Decumanus, on sait même où est le Forum ? Alors, c'est une ville qui est construite sur un plan orthonormé, donc on connaît déjà les grands axes de circulation. Le forum a été, semble-t-il, repéré en 1936 par Louis Lesky et Albert Chauvel, donc tout à fait au nord de l'agglomération, donc un peu excentré sans doute. Mais il reste encore, bien sûr, à fouiller largement, donc on a encore beaucoup de choses à découvrir de ce côté-là. Parmi les grandes surprises, c'est bien sûr un sanctuaire au culte de Mitra. Ça, c'est très nouveau et ça doit particulièrement vous intéresser ? Alors, la découverte de ce culte mithriaque est forcément très intéressant pour Mariana même, puisque nous ne connaissions jusque-là qu'un seul temple qui pourrait se trouver en bordure du forum. Le podium avec ses grandes marches a été mis en évidence il y a une cinquantaine d'années. Par ailleurs, la découverte de ce lieu de culte à Mitra est un apport considérable pour la Corse elle-même et pour la Méditerranée, puisque c'est le premier en Corse. Nous n'en connaissons pas en Sardaigne, pas plus aux Baléares, deux me semble-t-il en Sicile. Donc au total, c'est une découverte qui intéresse très largement le bassin occidental de la Méditerranée. Et pour l'ensemble du territoire national, nous connaissons une quinzaine de lieux de culte de ce type. Donc un de plus, conservé comme il est conservé ici, ce sont des informations de première importance. C'est un culte oriental, bien sûr. On pense qu'il serait arrivé avec les légionnaires, donc c'est tout à fait normal. Il aurait pu être implanté bien plus tôt. Implanté dès la fondation de la ville, c'est fort peu probable. Le culte à Mitra se développe en Occident, à Rome en particulier, semble-t-il à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, donc un petit peu plus tard que la fondation de la ville de Mariana. Donc il peut avoir été implanté ici au début de notre ère, bien sûr. En ce qui concerne la restitution de cette pièce, c'est sans doute relativement simple, puisque on a son plan, quasiment in extenso. C'est un espace qui généralement était plutôt enterré ou semi-enterré, donc un petit peu en contrebas des rues et des maisons qui sont aux alentours. Et puis un espace qui forcément est fermé, on ne peut pas imaginer des grandes fenêtres, c'est un culte à mystère, et donc ce qui s'y passait à l'intérieur était gardé secret bien évidemment, donc il n'était pas possible de voir depuis l'extérieur le déroulement des cérémonies et du culte. Ce sera un culte interdit ? Ce sera un culte condamné à partir de la fin du IVe siècle, 392 si mes souvenirs sont bons, interdit simplement parce que on pensait qu'il pouvait faire concurrence au christianisme qui se développait à ce moment-là. Et en effet, on constate qu'il y a beaucoup de points communs entre le culte à Mitra et le christianisme dans la croyance elle-même, mais aussi dans le déroulement du culte, notamment dans l'Eucharistie, qu'on retrouve aussi bien dans le christianisme, bien sûr, que dans le culte à Mitra. Donc des points de concordance qui devaient, en quelque sorte, embrouiller un petit peu, créer une certaine confusion dans la lisibilité de ces cultes, et qu'il était sans doute nécessaire de combattre. Donc il y a une vraie lutte d'un côté entre le christianisme, de l'autre côté entre le culte de Mitra, hein, c'est bien ça ? De manière officielle, oui. Ensuite, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Il est possible que dans certains lieux, dans certaines conditions, les deux cultes aient coexisté. Il ne faut pas forcément imaginer que systématiquement, après 392, on ait détruit ces lieux de culte, ces mithréas, pour les remplacer par des églises. On peut avoir une coexistence des deux pendant un certain temps, c'est tout à fait imaginable. Justement, Daniel Istria, comment s'implante le christianisme en Corse, ici, à Mariana ? Alors en Corse, ça reste une énigme. En revanche, à Mariana, on commence à y voir un petit peu plus clair, puisque le complexe paléo-chrétien, qui a été découvert au début des années 1960, a été réétudié ces deux dernières années, et il a pu être redaté. Et nous sommes certains aujourd'hui que la première église, qui est probablement la première cathédrale de Mariana, a été édifiée au tout début du 5e siècle. En croisant les données issues de l'étude de la céramique, de l'étude des monnaies, mais également les datations au radiocarbone, nous arrivons à une fourchette chronologique qui est très étroite et qui couvre, on dira, les deux premières décennies du 5e siècle, guère plus. Ça, c'est très nouveau. En général, on attribuait le christianisme à Mariana bien plus tard. Effectivement, on était parti sur l'idée que la christianisation, l'évangélisation de la Corse se faisait par l'intermédiaire des évêques africains exilés par les rois vandales à la fin du 5e siècle ou au tout début du 6e. Or, nous avons désormais un décalage chronologique de pratiquement un siècle, donc cette théorie, qui est assez ancienne, qui date du début du 20e siècle, doit être abandonnée aujourd'hui, et il faut imaginer un autre processus d'évangélisation de l'île. L'île, à ce moment-là, est largement ouverte sur la Méditerranée. Nous le savons par le mobilier archéologique, par la céramique, par le verre, par les monnaies que l'on trouve à chaque fois que l'on fouille. Et donc, forcément, ces produits sont importés dans l'île par des commerçants, par des voyageurs qui diffusent aussi des idées et qui ont pu très bien diffuser le christianisme également. Nous sommes à quelques mètres de la très grande basilique. C'est une très grande basilique. C'est une basilique qui a des dimensions tout à fait respectables, puisque sa superficie est de 474 mètres carrés exactement au sol. Donc, comparé à ce que nous connaissons des basiliques du Midi de la Gaule, par exemple, comme Nice ou comme Digne, nous sommes là pratiquement à une superficie deux fois supérieure. Quelles seraient ses spécificités architecturales ? Alors c'est une basilique qui est, somme toute par son plan, assez classique. Hein. C'est un édifice pourvu d'une abside semi-circulaire, tournée vers l'Orient, comme il se doit, qui est divisée en trois nefs par deux files de colonnes de granit, qui sont taillées spécifiquement pour cette basilique, des colonnes qui reposent sur des bases en marbre, et qui soutiennent des chapiteaux en marbre, qui eux aussi sont taillés spécifiquement pour cette basilique. Donc il y a un investissement financier qui est important, puisqu'il faut aussi y ajouter le décor de mosaïque, qui couvrait le sol à la fois du presbytérium, c'est-à-dire du cœur de l'espace réservé au clergé, et du sol du baptistère, qui est attenant à la basilique. Donc des sols de mosaïque polychromes, riches, qui demandent aussi un investissement financier important. Ces mosaïques, elles sont particulières, je crois. La mosaïque de la basilique, effectivement, est particulière en ce sens qu'elle représente le bœuf et le lion mangeant la paille. Donc c'est une illustration du livre d'Isaïe et c'est un unicum pour la Méditerranée occidentale. On retrouve trois ou quatre exemples de cette iconographie en Méditerranée orientale, mais une seule fois en Méditerranée occidentale à Marianne. Par ailleurs, l'étude technique et stylistique de cette mosaïque a montré qu'il existait des points communs très forts avec le nord de la péninsule italique. Donc on a peut-être un lien qui semble se confirmer par l'aménagement même du presbytérium, hein, de la partie réservée au clergé, des aménagements liturgiques, avec un banc presbytéral, avec un podium sur lequel se trouvait l'estrade, avec une solea, c'est-à-dire un couloir qui prolonge cette estrade vers la nef, vers l'occident. Et là, nous avons un schéma qui est typique du nord de l'Italie, des zones qui sont sous influence d'Aquilée, par exemple. Donc, il est possible qu'au moment de la construction, on ait fait appel à des artisans venant du nord de l'Italie, mais aussi qu'on se soit inspiré, sur le plan liturgique, de ce qui se faisait dans cette région. Comment expliquez-vous ce lien, d'un seul coup, avec la Syrie ou la Jordanie, au niveau de la thématique de votre mosaïque, avec la paille et le bœuf, et de retrouver ça aujourd'hui, ici, en Corse ? Très difficile à expliquer, mais j'imagine assez mal un lien direct. Il faut peut-être encore une fois passer par le nord de l'Italie et plus particulièrement par les écrits de Saint Ambroise de Milan, qui sont à peine antérieurs, hein, à la construction de la basilique. Pourquoi Saint Ambroise de Milan ? Parce que à cette représentation du bœuf et du lion mangeant la paille est associée une inscription qui décrit tout simplement ce qui se passe, hein, le bœuf et le lion mangeant la paille à la même mangeoire, avec des particularités dans ce texte qui viennent sûrement des écrits de Saint Ambroise de Milan et qu'on ne retrouve que dans les écrits de Saint Ambroise de Milan. Donc c'est un indice très sûr de la filiation. Juste à côté, bien sûr, vous avez, on va s'en rapprocher d'ailleurs, vous avez une très très belle cuve baptismale, elle aussi très ancienne. Alors la cuve baptismale, qui se trouve dans le baptistère attenant à la basilique, date de la même époque, donc du tout début du 5e siècle. C'est une cuve qui a été modifiée à plusieurs reprises, comme c'est très souvent le cas, et qui, dans son état originel, est une cuve qui est destinée au baptême par immersion, donc qui est très grande, qui fait plus de 2,30 m de largeur, et pratiquement 1,30 m, au moins 1,30 m de profondeur. Est-ce que c'est la fameuse cuve baptismale cruciforme, un peu à l'image de ce que vous aviez fouillé il y a quelques années à Ajaccio ? Alors, on n'est pas du tout dans le même type de cuve baptismale. Même si cette cuve de Marianne a souvent été décrite comme une cuve cruciforme, il s'agit en réalité d'une typologie de cuve octogonale avec un côté sur deux curviligne. Alors c'est du détail de spécialiste, mais ça a son importance puisque c'est une typologie qui, encore une fois, fait référence au nord de l'Italie et non plus à l'Afrique, comme on l'avait pensé au départ. Là aussi, c'est une sorte de dogme, littéralement, qui s'effondre. On pensait vraiment que la Corse avait été évangélisée par des saints donc venus d'Afrique du Nord. Effectivement, c'est tout un pan de l'historiographie locale qui s'effondre, comme on l'a dit tout à l'heure, d'abord à cause de la chronologie qui a été revisitée, mais aussi, on le voit bien à Marianne, à cause de la typologie des édifices de culte qui est complètement renouvelée et donc qui nous oriente vers d'autres lieux. Mariana, c'est un site tout à fait exceptionnel en Corse, avec bien sûr un ensemble d'églises absolument d'exception, désormais un culte de Mitra, c'est très nouveau, c'est bientôt un grand parc archéologique et puis aussi un musée en cours de création. Effectivement, donc il y a un projet d'aménagement du parc archéologique et c'est d'ailleurs pour cela que la route départementale est déviée et c'est pour cela donc que l'INRAP a réalisé cette fouille préventive. Et puis, bien sûr, la construction du musée de site qui est déjà bien avancé, qui devrait ouvrir ses portes d'ici un an et demi, 2 ans grand maximum. On se trouve à Marianna aussi devant un extraordinaire édifice bien plus tardif. Alors c'est la cathédrale Santa Maria Assunta qui est construite au tout début du XIIe siècle et qui est conservée intégralement, restaurée dans les années 1980 pour sa partie occidentale notamment, mais on peut dire qu'elle est parfaitement conservée dans son état du XIIe siècle. Le plus bel édifice de la chrétienté corse ? Oui, on peut considérer que c'est l'un des plus beaux de l'île, en tout cas en ce qui concerne l'architecture romane. Et puis ce qu'il a d'intéressant aussi, c'est que c'est le premier édifice roman de l'île à utiliser la pierre de taille. On peut y voir une origine locale ou tout au contraire encore quelques liens avec l'Italie ? Eh bien, on peut y voir exactement les deux. D'une part, des influences extérieures, toscanes, lombardes également. On peut y trouver la marque aussi d'artisans, de tailleurs de pierre provenant très certainement de Toscane et plus particulièrement de Pise. Mais on peut aussi déceler dans cette architecture la marque d'un savoir-faire local, notamment dans l'appareillage, dans cette alternance de blocs de pierres de taille haut et bas qu'on trouve dans l'île dès le début du XIe siècle au moins. Prosper Mérimée est venu étudier cette cathédrale ? Prosper Mérimée est passé ici en 1839, effectivement, et y a consacré un long chapitre dans ses notes de voyage en Corse, considérant déjà que c'était l'un des plus beaux édifices de culte de l'île. Daniel Istria, Marianna, c'est bien sûr un ensemble romain, c'est aussi un ensemble chrétien, c'est aujourd'hui 3000 mètres de fouille, un futur musée, la recherche continue sur ce terrain ? La recherche continue, bien sûr, dans le cadre de projets collectifs de recherche, donc qui rassemblent à l'heure actuelle une douzaine de chercheurs de diverses universités et unités de recherche françaises. Il y a bien sûr des publications en cours, dont une monographie sur les édifices de culte de Marianne, qui paraîtra dans le courant de l'année 2007 ou tout début 2018.